Le Gun Club fondé, on se figure aisément ce que produisit, en ce genre, le génie inventif des Américains. Les engins de guerre, pris des proportions colossales, et les projectiles à l'air, au-delà des limites permises, coupèrent en deux les promeneurs inoffensifs. Il faut ajouter que ces Yankees, braves à toute épreuve, ne s'intéressent pas seulement aux formules et qu'ils payèrent de leur personne. Beaucoup restèrent sur le champ de bataille, dont les noms figuraient au livre d'honneur du Gun Club. Et de ceux qui revinrent, la plupart portaient les marques de leur indiscutable intrépidité. Béquilles, jambes de bois, bras articulés, mains accrochées, mâchoires en caoutchouc, crânes en argent, nez en platine, rien ne manquait à la collection. Mais ces vaillants artilleurs n'y regardaient pas de si près. Un jour pourtant, triste et lamentable jour, la paix fut signée par les survivants de la guerre. Et le Gun Club demeura plongé dans un désœuvrement profond. Les membres du club, jadis si bruyants, maintenant réduits au silence par une paix désastreuse, s'endormaient dans les rêveries de l'artillerie platonique. « Et nulle guerre en perspective !» dit alors le fameux Maston, en grattant de son crochet de fer son crâne en gutti-percha. « Pas un nuage à l'horizon, et cela, quand il y a tant à faire, dans la science de l'artillerie. Moi qui vous parle, j'ai terminé ce matin une épure, avec plan, coupe et élévation, de mortier destiné à changer les lois de la guerre. Or, il y a dans l'air mille raisons de se battre, et l'on ne se bat pas. » En attendant, reprit Maston, et pour conclure, si l'on ne me fournit pas l'occasion d'essayer mon nouveau mortier sur un vrai champ de bataille, je donne ma démission de membre du Gun Club et je cours m'enterrer dans les savanes de l'Arkansas. Nous vous y suivrons, répondirent les interlocuteurs de l'audacieux Maston. Or, les choses en étaient là, les esprits se montaient de plus en plus et le club était menacé d'une dissolution prochaine quand un événement inattendu vint empêcher cette regrettable catastrophe. Le lendemain même de cette conversation, chaque membre du cercle recevait une circulaire libérée en ces termes. Communication du président Barbicane, Baltimore, 3 octobre. Le président du Gun Club a l'honneur de prévenir ses collègues qu'à la séance du 5 courant, il leur fera une communication de nature à les intéresser vivement. En conséquence, il est pris, toute affaire cessante, de se rendre à l'invitation qui leur est faite par la présente. Très cordialement, Barbicane, président du Gun Club.